Dossier 4. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. À l'occasion de la victoire de Roger Federer face à Rafael Nadal en finale du Wimbledon à Londres, je vais vous présenter un aperçu rapide sur ce grand champion. Roger Federer est une star exceptionnelle, le plus grand joueur professionnel de tennis de tous les temps. Il est l'un des athlètes suisses les plus populaires de l'histoire du sport. Très jeune, il a commencé à 10 ans à pratiquer le tennis. Ça a été très difficile pour lui de s'entraîner à cet âge. Il n'a pas connu tout de suite le succès. Durant 5 ans d'entraînement continu, ses efforts lui ont permis de devenir champion national de toutes les catégories de junior. Son premier match professionnel remonte à juillet 1998. Le tennis l'a toujours intéressé. Il l'adorait dès son jeune âge. Il a toujours aimé jouer devant un grand public. Sa famille l'a toujours soutenu. Son père est fier de lui. Sa mère, sa femme, ses enfants aussi. Ils assistent à tous ses tournois. Ils le supportent tout le temps, là où il va. Il a gagné 98 titres et enregistré 19 records dans sa carrière jusqu'à ce jour. Roger a été numéro 1 mondial pendant 237 semaines consécutives, ce qui est un record. Actuellement, il est numéro 2, juste derrière Rafael Nadal.